arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Philippe Paratoche, on est en si belle. Plus je veux fuir, plus je m'attache. Quel est ton secret? Comment veux-tu que je te vois quand tu lui mens si bien? Plus tu m'appelles mon cœur, mieux je protège le mien. C'est à distance qui me dit que j'aurai plus de chance. Oh, oh, oh, oh, il n'y aura pas de douteur. Oh non, non, non. Tes sentiments sont douteurs. Oh, oh, oh, oh. Tu voudrais que je m'en foute. Oh non, non, non. Il n'y aura pas de nous deux. Jamais de nous deux. Je mérite quand je lui mens pour vivre ma vérité. Tu sais, je trahirai encore si tu nous donnes pas cette chance. Pour toi, je trahirai n'importe qui, alors juste un peu de patience. J'aurais voulu que ça se passe autrement ou jamais. Si jamais, c'était maintenant ou jamais. Prends mon cœur, c'est pas négociable, mon amour n'est pas diluable, il est pur. J'aurais voulu que ça se passe autrement ou jamais. Si jamais, c'était maintenant ou jamais. Mais jamais. C'est la bonne fréquence, chaque jeudi entre 15h et 17h, votre émission Groupe Tropical. C'est Chantal qui vous accompagne avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Il va y avoir plein de nouveautés cet après-midi, oui, aussi de l'ambiance pour les fêtes de fin d'année. Ouais, on fera un petit tour vers la tradition des Antilles. Et puis, ben, on va continuer comme ça, très très très bonne chose, sur le 96.2. Souillé ton âme, toi tu t'es battu. Très très bon après-midi, on m'accompagne. Ne pense plus à lui. Pour un homme, tu ne veux plus voir le jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Ton corps est aussi beau que l'âme. Taille qui ne parle que d'amour.

Tropical 96.2, le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Je vous ai promis des nouveautés, bien justement, voilà une. Le groupe Harmonique. Pour les amateurs de très bons compas, la suite tout de suite avec le groupe Kai, avec là aussi c'est une nouveauté justement, c'est Adidem. Et puis tout de suite après on trouvera les notre petite collection de musique des Caraïbes. Ah ben non, c'est avant. Et voilà. Quand on a les doigts si fils, ça va plus vite que prévu. C'est pas grave, très très bon après-midi. Et joyeux Noël. prohibido saber quién la regaló. ou qui t'aime plonger, faut qui t'aime nager. Thank you. te pardonner. Toi qui m'avais promis de m'aimer, me soutenir au pire moment du mal, et c'est tombé. Avec ses fouillots, c'est pour nous, c'est pour nous. En tout cas, moi j'adore. Restez bien calés sur le 96.2 ou sur arc-en-ciel.fr avec votre émission groupe tropical jusqu'à 17h avec le meilleur de la musique qui nous vient de la Caraïbe. Et on va continuer avec un autre titre. Alors là, je peux vous dire que ça fait un tabac. Dans le cœur de tout le monde. La jeune fille, on la connaît bien, c'est Nesli, et c'est Tu me manques. Ah, 15h, 17h, groupe tropical, chez Chantal qui vous accompagne. Depuis que c'est terminé, je t'ai cherché dans d'autres hommes.

ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Imaginez cap coquet. Pendant l'amour t'a multiplié. Ou blasé fait tourner t'écrié. Téléphone nous toujours sous mon avion. Les wagons pour y pas chanter. Pour gaspiller. Sous-titrage Société Radio-Canada. besoin de taille. S'il s'en gagne des blous, aïe, aïe. S'il va faire à cochaï, no. Il vire l'horloge, ouais. Tu domines le système, ouais. Hey, aujourd'hui, c'est l'idée sous moi. Ah, où ça le si toi? Oh, Mwen konen ou pa bon pou mwen La sangre le hierve. Salpa la calle y vete del sol. Cambia las cortavenas, sube la radio en esta canción. No pierdas la esperanza cuando el conteo esté en 3 y 2. Hazle swing para botarla, aunque no siempre salga un jonrón. Buscaré la salida a ese rompecabezas. En esta vida, cada problema, bailando salsa se arregla. pasión. La cosa. Tres golpes de campana, dos cucharadas de guaguancó. Por eso hay que vencer el miedo cuando se aprieta la situación. La bola está en tu cancha para que sigas tu corazón. Búscale la salida a ese rompecabezas. En esta vida cada problema bailando salsa se arregla. Yo traigo la medicina que te alivia los problemas. Salsa, salsa, para olvidar las penas. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo resista cuando la música suena. Salsa, salsa, para olvidar las penas. Recuerda que las penas se van cantando. Olvida tu dolor y vive celebrando. Ay, que lo bueno te llega. Salsa, salsa, para olvidar las penas. Sunday. you need from you, people busy, yeah. le groupe Kassab dans votre émission Groupe Tropical, le groupe Kassab qui a obtenu le Grand Prix de la SACEM 2021 le 6 décembre dernier. On est fiers. Merci. Merci, Rachel. Rise to greatness, and the democracy was saved. Yes, we can. Yes, we can. Yo te comprendo, yo te tué, nous. Nec ma on ka ou yon ba boi. Yo ka foute peta derrière. Mais nous si c'est la maison blanche. Obama, Obama, Mandela. C'est qu'à l'égal et sans tribiché. Mais les Mandela, Obama. pédaler, caler sans fatiguer. Oui, oui. Mais quand on va venir en bas, yo quand on te mitraillette derrière. Yo te prends pour des animaux. Mais quand on va venir en bas, yo quand on te grenade derrière. Oui, bichek, bichek. Yo te fais exterminer. Lève la main, oui. Obama, frappe les mains. Pour Mandela, c'est calé, calé sans tricher. Lève la main, oui. Mandela, frappe les mains. Pour Obama. Presque 17h sur la chaîne Tout en Couleur, il est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous retrouve jeudi prochain avec un spécial Noël. Et oui, ça approche, ça approche. En attendant, je vous en donne un petit échantillon sur le 87.2. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. C'est du soleil, plein les oreilles, plein les yeux.